Je l'ai revue 3 fois cette semaine. Je vais pas encore parler, mais enfin je suis fait remarquer d'elle. La première fois c'était mardi. C'était la symphonie héroïque. J'étais assis juste derrière elle, enfin un peu à sa droite. À un moment elle a retiré son foulard. Alors pendant toute la soirée j'ai regardé ses cheveux et sa nuque. J'ai pas pu la quitter du regard. Ce soir-là j'étais décidé à lui parler. À la sortie je me suis faufilé pour la rejoindre. Seulement elle a rencontré une copine, alors je l'ai suivie 5 minutes, puis je suis rentré me coucher. La deuxième fois c'était jeudi. Je suis arrivé une demi-heure en avance pour m'asseoir à côté d'elle. Il n'y avait presque personne quand je suis arrivé. Alors je suis sorti dans le hall, fumé une cigarette en attendant que la salle se remplisse. Quand je suis revenu, il y avait pas mal de monde. J'ai regardé et je l'ai pas vue tout de suite. Elle était assise à genoux sur un fauteuil en train de parler à une copine. Je l'ai m'asseoir à côté d'elle, elle m'a fait un petit signe de tête comme à quelqu'un qu'on reconnaît vaguement. Seulement manque de peau, elle est allée s'asseoir ailleurs, dans une rangée où elle avait laissé son manteau. J'ai pas osé la rejoindre, ça serait trop remarqué. La troisième fois, c'était... c'était hier. Elle se baladait du côté de la mairie des Batignolles avec un filet à provisions. Certainement, elle doit habiter dans mon quartier. Bon, t'as fini les travaux d'approche, maintenant tu peux attaquer.